Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre balade scientifique avec Futur Simple. Si je vous dis énergie, vous pensez à quoi? Au pétrole peut-être, aux éoliennes, à votre propre énergie musculaire ou peut-être à l'énergie qui vous manque pour accomplir vos tâches quotidiennes. Mais d'un point de vue des sciences physiques, en fait, qu'est-ce que c'est l'énergie? Alors à 18h30, on fera un tour en histoire des sciences pour mieux comprendre le concept d'énergie. Mais pour le moment, on va flirter avec la politique. C'est pas facile d'être politicien ou politicienne aujourd'hui et de prendre des décisions dans des situations sociétales, nationales et même internationales de plus en plus complexes. La psychologie de la prise de décision, c'est justement un sujet de recherche de Benoît Béchard. Il est chercheur associé à l'école de psychologie de l'Université Laval et il étudie donc la décision politique grâce à un jeu vidéo. Alors dans un premier temps, il a soumis des citoyens, citoyennes à son jeu pour voir comment ils prendraient des décisions politiques dans une situation complexe. Et dans un deuxième temps, il a soumis des politiciens et des politiciennes à son jeu, à ce jeu. Et son étude est parue récemment dans la revue Cognitive Processing. Bonjour Benoît. Salut Valérie, comment ça va? Ça va bien. Puis vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette étude. C'est quand même une étude, c'est quand même assez fascinant d'étudier la décision, la prise de décision politique avec un jeu vidéo. Ah, t'as raison. C'est surprenant. C'est original. Ouais, alors justement, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui permet d'étudier la prise de décision politique? Oui, c'est un jeu que les gens connaissent, probablement les gamers de ce monde vont connaître. Mm-hmm. Ça s'appelle Democracy 3. Il y a le Democracy 4 qui est sorti il y a quelques années déjà. Mais c'est un jeu qui est disponible en ligne, en fait. Hein. C'est un jeu de simulation, tout simplement. Hein. Puis c'est pas un jeu qui a été conçu ou développé pour faire de la recherche. Hein. Des fois, il y a des simulations qu'on peut utiliser en laboratoire, par exemple en psychologie expérimentale, où ce sont des jeux qui sont développés littéralement pour permettre d'effectuer une tâche de prise de décision, etc. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un jeu qui est ludique, donc mm-hmm. qui est conçu pour le jeu, mais on l'utilise nous pour des visées de recherche, donc mm-hmm. des visées de recherche qui couvrent la prise de décision. Et donc ce jeu-là, c'est une simulation politique, hein, où le joueur incarne le premier ou une première ministre et doit gérer un État, hein, donc bon le Québec, le Canada, etc. Les affaires d'un État durant un mandat mm-hmm. traditionnel de 4 ans, à partir du premier jour d'élection jusqu'à la réélection ou la défaite mm-hmm. électorale 4 ans plus tard. D'accord. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour gérer? Ça veut dire qu'il doit donner des services à ses citoyens, il doit surveiller ses frontières, il doit gérer le budget. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce sont tous des bonnes réponses que tu dis là. Il doit faire toutes sortes de choses. Et ça passe principalement par la mise en place ou la mise en place de politiques publiques ou l'aide des réformes. Donc, le joueur va se trouver en fonction du budget, hein, qui est consenti, mm-hmm. Du budget de son État, mais aussi en fonction d'une situation qui est la sienne lorsqu'il est élu. Hein. Il y a déjà des politiques publiques mises en place, mm-hmm. il y a déjà des programmes qui existent. Lui, il devra, survoler ça et tenter de penser de manière la plus objective possible et la plus exhaustive possible, hein, tenter de couvrir à peu près tout ce qui se passe dans l'environnement pour tenter de prendre les meilleures décisions possibles pour être réélu à la fin du mandat. Alors, ça peut aller de réformes, par exemple, en éducation, ça peut aller des réformes sur le plan du système de santé, on en entend beaucoup mm-hmm. parler, hein. Est-ce qu'on met plus de public, plus de privé en santé? Est-ce qu'on protège l'universalité puis le public dans notre système de santé? Ça peut aussi être des réformes assez terrain, comme par exemple la construction d'infrastructures pour les mm-hmm. routes, pour les ponts. Mm-hmm. Alors, c'est tout un tas, je dirais, d'affaires publiques qui concernent nos décideurs et nos décideuses politiques dans le monde réel. Mm-hmm. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a choisi, ce mm-hmm. jeu-là. Et qu'est-ce qui conditionne que le joueur va gagner ou pas? C'est le fait de se faire réélire? Effectivement. C'est normalement, quand on joue à ce jeu-là pour des visées de plaisir, là, ludique, c'est le fait d'être réélu. Alors, on peut dépenser à tout vent. Hein, ah. Et ça peut faire en sorte qu'on va être réélu à la fin. Dans le cadre de notre recherche, nous, on en parle souvent de ça. Là, on parle des propriétés de la complexité du monde réel qu'on veut reproduire en laboratoire. Et dans le cadre de notre recherche, c'est important pour nous d'avoir une simulation qui capture ces propriétés-là. Hein. Quand on parle de complexité, on parle souvent de tout un tas de variables, plusieurs variables qui interviennent dans la prise de décision. On parle que ces variables-là, ils sont interconnectés. Donc, si je prends une décision qui a un impact sur le taux de chômage, ça peut avoir un impact aussi à court moyen terme sur l'inflation, le niveau des prix ou sur la consommation, etc. Mmh. Alors, tout est interconnecté dans ces environnements-là. Il y a du dynamisme, parce que ça bouge effectivement dans ces environnements-là. Une décision aujourd'hui va avoir un effet, et peut-être que demain va avoir d'autres effets. Ça bouge, ça, c'est dynamique. Il y a de l'opacité, fait qu'on prend des décisions en fonction des informations dont on dispose. Et puis finalement, ce qui nous a permis de capturer vraiment bien la complexité, c'est d'en arriver avec ce jeu-là, Democracy 3, puis de développer un indicateur de performance qui allait chercher la polytélie, qui est un mot savant, on peut dire, là, tout simplement pour dire qu'il y a, dans la vie réelle, les décideurs, les décideuses politiques ont des objectifs qui sont conflictuels. Hein, ils ont des objectifs contradictoires. Oui. Et nous, dans ce cas-là, on l'a modélisé, la performance, en disant, nos décideurs, nos participants qui vont venir jouer à notre jeu, ils vont devoir tenter d'être réélus à la fin de leur mandat de 4 ans dans le jeu, mais en même temps, ils vont devoir considérer leur situation budgétaire. Et ça peut, s'ils dépensent à tout vent, ça peut pénaliser leur performance. Alors, il y avait une espèce de contradiction. Okay. Alors, on peut pas dépenser à tout vent pour faire toutes sortes de politiques publiques, bâtir des ponts, etc. Il y a des contraintes. Ramener les pieds sur terre. C'est ça. Donc, c'était très important pour nous de capturer cette propriété-là pour faire en sorte que... Et c'est là tout la base de ce paradigme-là en psychologie expérimentale et en prise de décision, c'est d'être capable d'avoir une simulation qui nous permet de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait dans le monde réel. Je dis pas que Democracy 3, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale ici sur la colline parlementaire ou à Ottawa. Bien au contraire. Ce que je dis, par exemple, c'est que de ce paradigme-là, ce qui est utile, c'est que en utilisant une simulation comme ça, on est capable de solliciter les mêmes processus cognitifs qui sont sollicités par une tâche de décision politique dans le monde réel. D'accord. Donc là, dans un premier temps, c'est ce que je disais, dans une première étude, en fait, tu avais convoqué des citoyens, citoyennes de la population, là, la population ordinaire, entre guillemets. Toi, moi. À jouer à ce jeu. Ouais. Ça avait donné quoi? On avait la première étude, c'est super intéressant, mais on se concentrait beaucoup plus sur des stratégies cognitives. Hein? Ouais. Et puis, c'était une étude qui a été publiée en 2023, donc il y a 2 ans, au Journal Dynamic Decision Making, qui est un journal en prise de décision européen. Et on s'était rendu compte, avec les résultats de cette étude-là, que il y a certaines stratégies cognitives qui sont utilisées par les personnes qui sont dans une tâche de décision politique, notamment le biais de confirmation et... dans ce cas-ci, en politique, c'est l'idéologie. Hein. Mm-hmm. On se campe sur notre idéologie personnelle pour prendre des décisions. Et le résultat principal de cette étude-là, c'est que ça nous a mentionné que quand tu es dogmatique, quand tu es une personne qui se positionne à gauche puis tu prends des décisions à gauche, si tu es une personne qui se positionne à droite puis prend des décisions à droite, c'est mauvais pour la gestion publique. Ah. Ouais. Alors, le dogmatisme n'est pas bon. Hein. Mm-hmm. Alors, c'était déjà assez quand même logique, assez intuitif comme résultat. Mais on s'est aussi rendu compte que face à la complexité, déjà on l'a raffiné avec la nouvelle étude dont on discute ce soir, mais déjà dans cette première étude-là, on s'était rendu compte que il y a peut-être un mur de la complexité. Il y a peut-être un seuil là, au-dessus duquel la cognition humaine, notre capacité cognitive de traitement de l'information, ne peut pas se hisser. C'est au-delà de ce seuil-là. Donc c'est ça, parce que là, c'est dans cette première étude, les participants, c'était peut-être pas des politiciens, mais ils ont quand même chacun leur couleur politique. Donc certaines idéologies, ça doit quand même teinter leur façon de jouer, leur prise de décision. Et donc là, ceux qui étaient les plus dogmatiques d'un côté ou de l'autre, c'est ceux qui avaient le plus de difficultés ou la moins bonne performance, en fait. Avec l'indicateur dont on a discuté il y a quelques secondes. Donc les dogmatiques, ceux qui mettaient en place ou qui implémentaient des politiques publiques qui sont en consonance avec leur idéologie. au final, se trouvait avoir une performance qui était médiocre. Ah, hein. ouais. Et toujours très faible, la performance dans ce genre de jeu-là. Ouais. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Reproduit bien la complexité. Et la complexité, j'en parle toujours, soit à mes étudiants ou quand j'ai la chance d'en parler sur une tribune, là. La complexité, c'est tout un défi. C'est dans la littérature, en psychologie de la décision, c'est bien... Il y a des évidences assez majeures là-dessus qui disent que la cognition humaine, face à ces environnements-là, là, qui sont les environnements du monde réel, là, on est très, très limité. Ouais. Hein. Au-dessus de 4-5 variables là, qui sont mises en interrelation, là, on a de la misère à projeter ce qui va se passer dans le futur, l'évolution. C'est un peu dramatique hein, comme résultat, mais il y a des études aussi qui disent que à certains égards, on pourrait mettre des êtres humains qui jouent à ce genre de jeu-là, de décisions politiques, puis après ça, on fait un échantillon de chance, puis la chance va être meilleure. Hein? L'échantillon de décisions tirées au hasard, là, va être meilleure. Alors déjà là, il y a une espèce il y a un seuil. Hein? Ça nous confronte un petit peu. Ça nous confronte beaucoup. Hein? On nous remet un peu à notre place. Oui. On devient modeste. C'est ça. Exactement. Et là, donc, dans cette deuxième étude qui vient de paraître, donc là, c'était encore plus intéressant parce que tu as fait jouer des politiciens, des politiciennes. Ouais. Tu les comparais aussi à la population. Exact. On voulait avoir un comparatif, donc un échantillon de la population générale. Puis ça, c'est la beauté de cette étude-là. Ça a pris longtemps, cette étude-là. Ça a pris un 6-7 ans, Valérie. Ah, oui. Donc, c'est une étude qui était de longue haleine. Puis notamment, pour ce que tu viens de dire, de recruter des élus en cours de mandat. C'est pas évident. C'est tout un défi. On en a réussi à en avoir 20. Hein, un échantillon de 20 élus qui sont des députés à l'Assemblée nationale. J'ai même des ministres là-dedans. Ah oui, c'est vrai? Donc, des députés qui étaient ici. Et on a complété cet échantillon-là avec des conseillers et des conseillères municipaux à la Ville de Québec et dans la grande région métropolitaine de la Ville de Québec. Donc, on a une vingtaine d'élus. Au moment où ils ont participé à notre étude, bon, ils ont tous dit d'entrée de jeu qu'ils acceptaient avec générosité les gens qui ont participé, évidemment, pour la science, pour l'avancement de la science, pour l'avancement des connaissances. Ils ont tous refusé notre compensation financière. Hein. Effectivement, habituellement, on donne une compensation, ils n'en voulaient pas. Alors, ils se sont prêtés au jeu, de bonne foi, mais on a quand même sollicité l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. On en a eu une dizaine, peut-être, là, au total, sur notre 20. Là. Alors, c'est dire aussi que les élus en cours de mandat peuvent être frileux aussi à participer à ce genre d'études-là parce que c'est littéralement une étude sur les prises de décisions politiques. Là. Sur leur capacité à prendre des décisions. Puis on mesure la performance. Ouais. Alors, je suis certain que les élus à l'Assemblée nationale, certains d'entre eux se sont dit ben là, ils vont mesurer ma performance. Ouais. Est-ce que ça va sortir que je suis un mauvais décideur politique? Ah, mais c'était sous couvert de l'anonymat. J'imagine que c'est anonymisé. Effectivement. Enfin, toi, tu sais qui ils sont, mais anonymisés. Sinon, oui, ben, c'est sûr. Ils sont anonymisés. On a un blanc-seing éthique sur ce projet-là. C'est bien fait. Puis en plus, le comité d'éthique à l'Université Laval, pour les chercheurs qui s'y frottent, on peut savoir qu'ils lavent plus blanc que plus blanc. Là. C'est un comité d'éthique qui va aller fouiller dans le détail là, pour s'assurer que ce soit fait vraiment de façon éthique, respecte les plus hauts standards. Donc, si on avait ça, mais malgré tout, le défi de recruter ces élus-là a été assez gigantesque. Est-ce qu'ils sont venus de tous bords politiques? Tout à fait. Oui? Ouais. Okay. Toutes sortes de monde, hein, des différentes étiquettes qui se sont déplacées dans notre laboratoire à l'époque, dans le pavillon Félix-Antoine Savard à l'Université Laval, dans le bunker qu'on l'appelle, la cave, où est-ce qu'on a un laboratoire dont avait des ordinateurs, puis on a nos écrans, à l'époque, on mesurait aussi le suivi, on faisait le suivi oculaire, hein, donc le comportement oculaire des participants à l'écran. Hein. On a fait beaucoup d'analyses avant de publier l'article dont on discute ce soir, mais ce sont des données qui n'ont pas ressorti grand-chose de ça. Hein. On essayait de voir si tel patron de comportement dans le jeu pouvait avoir une incidence sur la performance. Est-ce que les gens qui consacrent plus de temps à certaines spécificités dans l'interface vont être meilleurs ou moins bons, etc. Ça n'a pas ressorti beaucoup. Mais ce qui est ressorti, par exemple, c'est que nos élus qui ont tous mentionné avoir une connaissance et une expérience conséquente de la politique, hein, une bonne ou très bonne connaissance de la politique, ben, au final, ils ont une performance qui était très faible. Très, très comme faible. Les autres, les citoyens. Se compare tout à fait aux citoyens. Une marge, là. Hein. Ah ouais. Différence marginale entre les deux. Donc, deux échantillons qui sont tout au bas de l'espace solution. Pas des bonnes performances. Très faibles. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou est-ce que finalement c'est normal vu la complexité des situations et que finalement ils ont un cerveau comme les autres finalement? C'est ça. Ça c'est un bon point. C'est ce que tu amènes là, c'est l'idée que c'est le même cerveau. Je veux dire, alors il y a une insuffisance des connaissances à proprement parler en politique pour gérer d'une bonne façon. C'est ce qu'on peut en déduire. Hein. Pour gérer les affaires d'un État, hein. C'est insuffisant. T'as besoin d'autres choses. Ce qui est encourageant, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette étude-là, alors que d'autres études ont prouvé le contraire, dans cette étude-là, on a démontré que nos échantillons humains étaient un peu meilleurs que la chance. Hein? Parce qu'on a fait un échantillon, on a reproduit un échantillon de décisions aléatoires, hein? donc tirées au hasard. On prenait des décisions, puis bon, là, on avait une performance à la fin. Puis on a fait ça 200 fois. Donc, on a fait un échantillon de 200 parties, si on veut. Mm-hmm. Et puis, nos élus politiques à l'Assemblée, notamment à la Ville de Québec, étaient un peu meilleurs que ça. Mm-hmm. Donc, il y a de l'espoir. Hein? Il y a un peu d'espoir. Ouais. C'est à la blague, je fais souvent ça avec mes collègues, mais je sais pas si tu as déjà vu tu sais, les oiseaux qui boivent dans l'eau, là. Hein, avec une espèce, on appelle ça des dippy birds en anglais. Non, je sais pas, ouais. C'est des oiseaux que tu leur donnes un coup sur la queue, puis ils vont se mettre à boire, puis ils vont boire des heures comme ça, en trempant leur bec dans l'eau. Là. Ben, les élus sont un peu meilleurs que ça. Hein? Ah, bon. Si on mettait notre oiseau, puis il pesait sur un bouton, là, ben, on a des élus qui sont meilleurs. Fait que ça, c'est encourageant. Ça rassure. Oui, ça rassure un peu. Ouais. Mais ils étaient du même niveau, leur performance était du même niveau que les citoyens. Oui, c'est ça. Donc, les citoyens pourraient aller prendre des décisions politiques. ça montre peut-être que tout et ça peut peut-être encourager aussi les gens peut-être un peu à s'impliquer en politique parce que ça montre que même si tu es élu depuis fort longtemps, hein, ou tu es un nouveau venu, tu es un bleu en politique, tu peux quand même t'en tirer autant que les élus que ça fait des années qu'ils sont là. Est-ce que les politiciens là, ont eu connaissance de ces résultats-là? Est-ce que tu es allé présenter ces résultats à l'Assemblée nationale? On travaille là-dessus présentement. On est dans la diffusion des résultats. On a eu... la chance d'avoir une belle entrevue avec ta collègue journaliste aux Années Lumière il y a quelques semaines, Sophie-André Blondin. C'est ça. On a aussi découvert dans le journal du campus Laval Nouvelle récemment, la semaine dernière, je pense. Donc, un bel accueil des collègues là-bas. Puis là, on travaille à différentes enseignes pour tenter de faire rayonner l'étude le plus possible. Et notamment, on a peut-être des contacts qui s'en viennent au niveau de l'Assemblée nationale, justement, pour présenter nos résultats, notamment peut-être au cercle des anciens parlementaires aussi. Mm-hmm. Fait que ça, c'est intéressant. Une primeur aussi que je peux t'annoncer, je travaille sur un livre aussi présentement. Oh! Oui. Wow. Un livre de vulgarisation. Wow, c'est intéressant. Sur les biais en politique. Ouais. Et donc, cette étude-là va prendre beaucoup de place dans ce livre-là, ça, c'est certain, qui normalement devrait, si on se croise les doigts, là, mais devrait sortir au début de la rentrée littéraire, là, c'est-à-dire en septembre. OK, septembre, donc là, tu es en train de l'écrire. Presque terminé. Donc, ça s'en vient au mois de septembre-octobre. Tu carbures, là, c'est article après article. On est fatigué, là. Mais oui, ça avance bien. Mais là, donc, justement, parce que tu parles de biais cognitifs, et c'était un petit peu à ça que ça m'a amené, justement, face à cette complexité. On est obligé de se simplifier là. Simplifier notre vue là, de la situation, prendre des raccourcis. Oui. Et donc, les politiciens ou les non-politiciens prennent leurs décisions dans ce jeu-là sous l'influence des biais cognitifs, finalement. On fait des raccourcis. C'est ce qu'on peut supposer, parce que quand on est exposé à la complexité, on va avoir tendance à réduire. Hein? Mm-hmm. On va simplifier à réduire. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de collègues qui appellent ça un paralysis analysis, là, c'est-à-dire que si tu ne réduis pas, tu te trouves à être paralysé face à la complexité. Tu ne bouges pas, tu es dans le statu quo, tu prends pas de décision. Alors, pas prendre de décision, c'est une décision en soi, mais ça peut être encore pire. Là. Alors, il y a l'élément de réduire, hein? Puis ça, c'est l'utilisation d'heuristiques, hein, des raccourcis, des stratégies cognitives. Donc, on utilise des stratégies cognitives pour... parfois focaliser sur une pièce d'information plutôt qu'une autre, prendre des décisions. Et à certains égards, pas dans toutes les circonstances, mais parfois, c'est adapté. Ça nous amène à des décisions qui nous servent, qui servent notre intérêt, puis ça nous fait avancer dans la vie, on continue. Mm-hmm. D'ailleurs, on serait mal avisé de prendre des décisions en traitant l'ensemble de l'information disponible à tout temps. On sortirait du studio ici, Valérie, ensemble, puis on aurait des gens qui bougeraient pas, puis qui seraient comme ça, puis qui traiteraient de l'info. On serait tous paralysés. On serait paralysés. Alors, ça serait un peu drôle dans la rue, là, comme une gang de zombies qui se promènent sur la... Alors, c'est pas ça. Le cerveau humain, hein, avec l'évolution, on pourrait discuter une heure de temps sur les théories de psychologie évolutionniste et tout ça, là. Mais avec l'évolution, le cerveau humain, tranquillement, a développé des stratégies cognitives de réduction de la complexité pour être efficace, pour avancer dans la vie, pour prendre des décisions. Au départ, c'était pour des considérations de survie, hein, face aux mammouths, là, qui étaient dangereux. Aujourd'hui, il n'y en a plus de mammouths. Maison brûle, c'est pas le temps de réfléchir d'où vient le feu et puis faut sortir. Exact. Fait qu'il y a cet élément-là qui est encore bien incrusté dans notre cerveau aujourd'hui en 2025, mais qui, à certains égards, n'est pas adopté du tout, hein, pour certaines circonstances. Hein. Le fight or flight response là, d'une autre époque est plus très utile aujourd'hui quand on se fait poser une question en politique. Là, on a faut réfléchir, il faut prendre le temps. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, c'est ça. On est hérité de ça. Et puis, parfois, c'est utile. D'autres fois, non. D'autres fois, ça nous nuit. Ouais. Est-ce que ce serait possible d'entraîner notre cerveau à appréhender cette complexité? Je l'espère. J'espère. Moi, c'est un de mes je crois que parce que le cerveau il est aussi bon, je suis pas neuroscientifique là, mais j'ai des collègues qui travaillent un peu là-dedans, puis on en discute assez souvent. Le cerveau c'est un à certains égards c'est un muscle, hein, il est malléable, hein, il y a de la neuroplasticité là. Lorsqu'on apprend quelque chose, bon, justement on peut apprendre, on peut encoder des choses et puis on peut développer un certain comportement. Mais les comportements, ils peuvent se modifier, on peut les modifier avec nos expériences vécues, avec nos connaissances, etc. Donc est-ce que c'est possible d'entraîner la cognition humaine, hein, à développer des compétences, hein, durables à travers le temps, là, comme par exemple la pensée systémique ou la pensée complexe? Moi, je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut s'attarder, hein, dans les prochaines années. Je m'y attarde d'ailleurs dans mes travaux. Mm-hmm. Je commence tranquillement à essayer de creuser de plus en plus cette question-là avec mes collègues. Probablement en utilisant par exemple la simulation, hein. Exposer, ça pourrait ressembler à exposer une personne, un décideur à une simulation à plusieurs reprises pour évaluer si sa performance augmente, par exemple. Faudrait évidemment peut-être faire varier la simulation parce que sinon on se retrouverait avec une personne qui est rendue bon à un jeu puis qui est pas bon à penser la complexité. Hein. On devient bon simplement en jouant à un jeu. Hein. Ouais, on devient habitué ça, à jouer ouais, au jeu plutôt ça, que... On connaît les trucs, ouais. Donc faudrait faire varier la simulation, ça c'est sûr. Mais je suis convaincu qu'on peut, en tout cas du moins, sans nécessairement développer cette compétence-là, parce que ça reste quand même devant nous, je suis convaincu qu'on peut y travailler pour évaluer si on est capable de le faire. Mm-hmm. Ouais. Mais peut-être aussi en connaissant les biais cognitifs, est-ce qu'on peut déjà apprendre à les déceler et à prendre conscience de nos biais? C'est peut-être une façon aussi. Très bon point. On parle là, parfois de formation aux biais cognitifs, hein, de formation à la complexité. Mm-hmm. Déjà de le savoir, hein, dans un esprit, souvent les gens disent la macrocognition, donc penser à ses propres processus de penser soi-même, hein, juste d'être conscient qu'il y a des biais dans la vie, biais de confirmation, la disponibilité, la représentativité, on a tout déjà parlé de ça, biais de statu quo. Hein, ouais. Biais du survivant. Puis biais du survivant, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, de biais cognitifs. Quand on en prend connaissance, après on s'aperçoit, on est capable de retrouver dans notre vécu des situations où on a vécu ces biais-là et où on est tombé dedans. Ben exact. Puis on peut peut-être se recentrer ou se réveiller un petit peu dans le processus en développant justement cette espèce de conscientisation, une forme de conscientisation au biais. Donc c'est un défi, mais je pense que c'est comme on l'a déjà spécifié dans nos travaux, puis dans ce papier-là aussi qui a été publié à Cognitive Processing, on dit en fin d'article que c'est une combinaison d'outils, en fait. Hein. Ça peut pas être juste l'entraînement cognitif, ça doit être aussi, comme tu l'as dit, la formation peut-être au biais, complémentaire aussi peut-être avec des outils d'aide à la décision. Alors, il y a toute cette espèce de d'effervescence-là dans la recherche en psychologie de la décision, notamment en politique, qui il s'en vient et qui est vraiment intéressante pour nous aider peut-être à tenter de mieux gérer les grands problèmes de notre époque, comme les changements climatiques. Oui. Tout un défi. Tout un défi, et puis bien d'autres crises en ce moment qu'on est en train de vivre. Ah oui, il y en a. Ouais. Ça, on n'en manque pas. Ouais. Merci beaucoup, Benoît. C'est vraiment fascinant, ce genre de recherche. J'espère que tu vas me réinviter. Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. C'est trop intéressant, toutes ces recherches, je trouve. Donc, merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Je rappelle que Benoît Béchard est chercheur en psychologie de la décision, en fait, chercheur associé à l'école de psychologie de l'Université Laval.